guerre. Ça fait mal, mal comme des coups de soleil. Ça fait plaisir quand tu vois les personnes solidaires. Ça te rend le regard triste quand tu vois les personnes proches de la mer. Donc je viens vous lever mon cul sur le trône. Tu vas comprendre qui est le maître. Dans mon cercle, c'est moi qui vous cale. Je m'éclate, je viens mettre des claques. Bienvenue dans mon secteur. Va niquer ta mère à Belgrade. Attends chez mes gardes, 2 secondes. Attends, j'ai pris trop grave. Attends 3 secondes que je coupe la feuille en 4. 5 secondes que j'accueille la mise à 4 pattes. Le cerveau rabat, un verre à la main, moitié plein. Et 2 jacks sur la table, à moitié vide. Je m'assois sur le fauteuil, j'accueille mes amis. Ceux qui sont sur la vie, si t'es pas dedans, là t'es ta vie. Dans la vie, j'ai pas besoin de coups de main. Les jaloux ont besoin de coups de vie pour survivre dans cette vie. Tiens, la jalousie de mon style est vraiment massif. Les accueille dans le ring comme un génocide. LSD depuis petit, je vis dans les alertes au feu. Et mes oreilles sont habituées aux sirènes de la police. On fait pour tuer. Ça fait mal, mal comme des coups de soleil. Ça fait plaisir quand tu vois les personnes solidaires. Ça te rend le regard triste quand tu vois les personnes proches de la mer. Donc je viens vous lever mon cul sur le trône. Tu vas comprendre qui est le maître. Dans mon cercle, c'est moi qui vous cale. Je m'éclate, je viens mettre des claques. Bienvenue dans mon secteur. Je vais chiser tout ce qui fume. Je vais faire tourner tout ce qui mouille. Ferme tes yeux car t'es pas habitué à la foudre. Vas-y roule un peu et mets-toi à l'aise. Laisse nous faire notre business. En cas d'embrouille, reste tranquille car je me débrouille. Je débarque avec la vague. Tu fais le mec bien. Mais en fait t'es qu'une arnaque, t'es qu'une pute en sac à main. Tu fais le nerval dans le terrain. Tu fais que dalle. Aujourd'hui tu cavales, demain je t'attrape. Après-demain tu finis ta vie dans une malle. Il paraît je suis merboule. Armé jusqu'au boule, dans la merde jusqu'au trou. Joue tes malins, tu finis à genoux. L'État nous ment, ils nous montrent pas la face cachée du gouvernement. Ils parlent pas de détournement, j'esquive les gens. Ça fait mal, mal comme des coups de soleil. Ça fait plaisir quand tu vois les personnes solidaires. Ça te rend le regard triste quand tu vois les personnes proches de la maître. Donc je viens vous lever mon cul sur le trône. Tu vas comprendre qui est le maître. Dans mon cercle, c'est moi qui vous cale. Je m'éclate, je viens mettre des claques. Bienvenue dans mon secteur. Viens voir où j'habite, donc les tout petits et tombe trop vite dans les trafics. On aime prendre des salauds entre les flics et la vie. T'inquiète pas, je suis conscient. Ne crois pas que je fais les choses inconsciemment. 59, mon département. T'inquiète pas, je serai toujours là. Trop de respect pour mon talent. Je t'annonce que je fais mon retour. Pour larguer toute ma haine, je prendrai pas du détour. Je vais prendre les mêmes cours, les mêmes tours, les mêmes couleurs, les mêmes douleurs. Comme à l'heure, je suis venu pour te parchoquer, pas pour te demander l'heure. Killer dans mon cercle, je suis un parasite, pas des paparazzi. Je traîne qu'avec des sales types. On n'est pas des mecs qui se branlent, sont des acides de cul. Un doigt dans ton cul, tu as compris que j'ai. Ça fait mal, mal comme des coups de soleil. Ça fait plaisir quand tu vois les personnes solidaires. Ça te rend le regard. Quand tu vois les personnes proches de la maître. Donc je viens vous lever mon cul sur le trône. Tu vas comprendre qui est le maître. Dans mon cercle, c'est moi qui vous cale. Je m'éclate, je viens mettre des claques. Bienvenue dans mon secteur.